Riprendiamo i nostri lavori. Oggi presiede la mia complice, diciamo, non so, la coorganizzatrice dei seminari di Roma Tevere Litorali, di cui vi ho parlato tanto mercoledì pomeriggio, Giulia Canneva, direttrice del CROMA dell'Università di Roma Tre. Ti lascio la parola, Giulia. Grazie, innanzitutto. Mi scuso di non essere potuta venire mercoledì, ma purtroppo da botanica questo è il periodo più intenso dell'attività di campo e quindi bisogna purtroppo presenziare in diverse situazioni. Grande merito, sì, sono stata coautrice di questa iniziativa, ma massimo merito va sicuramente a Katrin, come vedrete, per tutta l'organizzazione. E oggi quindi possiamo inaugurare la sessione con gli interventi previsti sui regimi fluviali e l'evoluzione delle coste e degli ambienti ripariali. Il primo intervento riguarda il Guadalquivir, no, il Tevere, scusate, e parlerà Salomon? Sì, Fayol. Allora, do quindi la parola al collega per l'inizio della relazione. Grazie mille, vorrei prima ringraziare la scuola francese per l'organizzazione del convegno e in particolare Catherine Verlouvet per l'invitazione. Je vais faire une présentation en français. Je vais vous parler de la navigabilité des embouchures du Tibre, pas seulement l'embouchure du Tibre à Ostie, mais de la complexité des embouchures, la complexité à la fois historique et la complexité géomorphologique de ces embouchures. Je vais adopter une approche qui va être une approche régressive, c'est-à-dire partir du présent, qu'est-ce qu'on sait de l'embouchure, quelles sont les modalités de mobilité de ces embouchures, et ensuite remonter dans le temps pour arriver à la période antique, où effectivement on perd un peu des données au fur et à mesure, puis on s'éloigne de la période actuelle où on a énormément de données, on a plus de problèmes à reconstituer, à la fois la morphologie, les dynamiques. On va voir ces éléments-là. Le bassin versant du Tibre se niche à l'intérieur de l'arc Apennin, et le Tibre se jette à la mer, dans la mer Tyrrhénienne, à une vingtaine de kilomètres à l'aval de Rome, dans un delta qui a deux embouchures au sud. L'embouchure du Fiumara, qui est le fleuve naturel du Tibre, et au nord, 3 km, 4 km au nord, on a l'embouchure du Fiumicino, qui à l'origine est un canal qui a été creusé au 1er siècle après Jésus-Christ. Le delta du Tibre aujourd'hui est un delta qui est très anthropisé et qui l'était aussi à la période antique, avec deux sites majeurs que tout le monde connaît, Ostie, le port fluvial de Rome, le port républicain, et pour tous, le port maritime de Rome à la période impériale. Je voudrais commencer à parler des échelles de temps et des ordres de grandeur des mobilités deltaïques. En effet, je voudrais, pour commencer, avoir une idée de qu'est-ce que la mobilité d'un delta, qu'est-ce que la mobilité d'une embouchure. Les deltas méditerranéens se sont formés, dans leur grande majorité, à partir d'il y a 6000 ans. Depuis 6000 ans, on a une phase, ce qu'on appelle de la progradation, c'est-à-dire qu'on a un déplacement de la ligne de côte en direction de la mer, et qui forme une plaine deltaïque externe. On a ainsi une évolution pour le delta du Tibre. On a un delta dominé par la houle, c'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup d'apports du fleuve, mais ces apports sédimentaires sont ensuite redistribués par une houle qui est très active, et on a une redistribution des sédiments au sud du Fiumara, mais aussi au nord de l'embouchure du Tibre. Mais si on regarde, les deltas, ce sont les plus grands édifices actifs sédimentaires au monde, qui ont donc une longue histoire, mais si on regarde seulement l'embouchure, les embouchures, on remarque, c'est des milieux extrêmement mobiles. On a à la fois le fleuve qui bouge et à la fois le trait de côte. On a deux dynamiques, les dynamiques fluviales et les dynamiques littorales. Alors ici, vous avez deux images. D'abord, la mobilité du Fiumara entre le 19e et le début du 20e siècle. Alors on voit sur cette image qu'on a à la fois la mobilité du fleuve et du littoral. Et ensuite, dans la deuxième partie du 20e siècle, on a un chenal du type qui est canalisé, mais on a toujours une mobilité du littoral, comme vous pouvez le voir sur la seconde image ici. On voit bien la grande mobilité ici à l'échelle décennale. Il faut bien voir aussi que ces morphologies sont la plupart du temps formées lors, les changements de morphologie sont liés aux grandes crues du Tibre et aux apports sédimentaires. C'est à ces moments-là où on a les charges sédimentaires, les charges de fond, redistribution des sables sur le littoral et qui modifient le paysage d'embouchure. Ensuite, au niveau de l'embouchure, si on parle de morphologie d'embouchure, on a deux types d'embouchure. Le delta, c'est un delta dominé par la houle, mais l'embouchure peut parfois être une embouchure dominée par le fleuve lors de fortes crues. On a ainsi la création de levées sous-marines, qu'on peut le voir sur cette image ici. Et puis, après les périodes de crue, on a une redistribution des sédiments de part et d'autre de l'embouchure, c'est la deuxième image, et c'est à ce moment-là qu'on a la formation des barres littorales. Ainsi, on a un passage d'une embouchure à dominante fluviale à une embouchure dominée par la houle. Cette fois-ci, on en a vu les deux derniers siècles, prenons un peu plus d'ampleur historique en regardant l'évolution de l'embouchure entre le 15e siècle jusqu'à nos jours. Les travaux classiques réalisés sur l'embouchure du Tibre, on peut prendre par exemple les travaux de Joël Le Gall en 1953, ces travaux-là reprennent finalement les données archéologiques en plaçant un littoral proche de Portus et d'Ostie, et ensuite une progradation qu'on repère, surtout à partir du XVe siècle, avec des tours qui ont été construites en suivant le déplacement du trait de côte jusqu'au trait de côte actuel, où on a de nouveau la construction de villes, on a la construction de l'île de Ostia qui naîtrait en fin du XIXe siècle et surtout qui prend de l'ampleur à la période de Mussolini, et ensuite Fiumicino qui est créé début du XIXe siècle. Et avec tous ces éléments-là, on peut reconstituer globalement l'évolution des deux embouchures. Si on veut aller plus dans le détail, il faut prendre d'autres données, et là je vous propose de se baser sur une carte, une photographie aérienne qui est de 1944, avant la grande urbanisation de la deuxième partie du XXe siècle, où l'on voit très bien les cordons littoraux apparaître. J'ai aussi repris les données des prospections géomagnétiques réalisées par le professeur Simon Key à Portus, où on voit aussi très bien l'orientation et le positionnement de ces cordons d'embouchure. Et avec cela, on peut reconstituer effectivement des mobilités qui ont eu lieu depuis dans cette plaine externe deltaïque. On voit aussi des discontinuités d'érosion, ici en violet, ou alors le long du fleuve, on a aussi des indices de mobilité latérale. Des éléments qui supportent ces éléments géométriques que l'on repère sur le terrain, ce sont les carottages, avec des carottages, majoritairement des carottages dans des milieux sédimentaires sableux, des anciennes plages, qu'on appelle les cordons littoraux. Et le long du fleuve, on a ici des séquences sédimentaires sur la partie supérieure, qui sont des séquences sédimentaires fluviales. Ensuite, pour remonter dans le temps, on utilise les cartes anciennes. La carte la plus ancienne que l'on ait pour le delta du Tibre, c'est la carte de Euphrosino de la Volpaia, qui est de 1547, où à cette période-là, le méandre n'est pas encore recoupé, et on a une certaine balance, les embouchures sont à peu près au même niveau. Par contre, ici, je ne sais pas si on voit très bien sur cette image-là, mais sur le catasto alessandrino, on voit que la rive droite du Tibre a progradé, s'est déplacée énormément entre à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle. On a une progression très très rapide. C'est pour vous montrer vraiment la rapidité d'évolution et que ça peut être lié à des évolutions là qui sont en 50 ans. On a une évolution, un changement complet de l'embouchure. On passe dans une embouchure plutôt à dominante fluviale. Et ensuite, sur la carte qu'avait montré le professeur Bellotti hier, ici on voit des bassi fondi, qui sont finalement les hauts fonds français. Et on a en fait un démantèlement du lobe d'embouchure. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant 1603, où on voit cette carte du catasto alessandrino, on a la plus grande crue du Tibre connue, la crue de décembre 1598, qui a été particulièrement destructrice et meurtrière à Rome, qui a sûrement participé à la construction de cette rive droite d'embouchure. Le catasto alessandrino est vraiment intéressant puisqu'on a des données, on a les données des mesures qui ont été réalisées sur le terrain au début du XVIIe siècle. Et j'ai repris ces données-là et je les ai replacées sur ce fond de cette photographie aérienne. Ainsi, on voit ici très bien le positionnement de cette rive droite, qui est très avancée, finalement qui se situe à peu près au niveau de l'embouchure. On se situe à peu près au niveau de l'embouchure actuelle. Ensuite, si on reprend un fil historique de développement à partir du XVIIe siècle, 14e, 15e siècle, est difficile de placer le trait de côte, mais en tout cas, on a une progression très rapide au 15e, 16e siècle. Ensuite, au XVIIe siècle, on a une érosion, c'est-à-dire on a un démantèlement de ce lobe d'embouchure, de l'embouchure de Fiumara, une redistribution des sédiments le long du littoral, si bien que, c'est-à-dire on a la carte du catasto alessandrino qui est de 1603, 10 ans après, en 1612, le canal du Fiumicino qui débouchait ici, au sud de cette tour va être déplacée vers le nord, sûrement avec en raison de ce démantèlement et du déplacement des sédiments vers le nord par la dérive littorale. Et les hommes vont essayer de résoudre ce problème-là et se déplacer pour s'éloigner de cette embouchure. Très rapidement après, on a dès le XVIIe siècle, on a une tour de 1662, on a une progradation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une progradation très rapide du Fiumicino, alors qu'on a un équilibre dynamique, on peut dire, pour le Fiumara. Ensuite, à la fin du XIXe siècle, on a aussi une période de péjoration climatique et on a des très grandes crues à Rome qui vont amener à la construction des Muraglioni dans la ville de Rome. On a un développement de l'embouchure de nouveau du Fiumara. Effectivement, on a 4/5 du débit passe dans le Fiumara et 1/5 du débit passe dans le Fiumicino de nos jours. On a une avancée du littoral, ensuite un démantèlement de nouveau de ce lobe d'embouchure et une redistribution des sédiments le long du littoral. Et en jaune ici, vous avez les sédiments qui sont déposés à l'embouchure du Fiumicino à la période au début du XXe siècle, liée au démantèlement du lobe du Fiumara. Ainsi, on a deux embouchures. Une embouchure du Fiumara qui est une embouchure extrêmement mobile, c'était l'équilibre dynamique, mobilité du fleuve et du littoral, qui est non maîtrisée, alors que, à l'inverse, on a un Fiumicino qui est beaucoup plus étroit, 50 mètres de large, et on a une mobilité latérale qui est maîtrisée, on construit des passonnates, et on les construit qui pénètrent dans la mer, et sûrement de chaque côté, on va avoir une non maîtrise de la mobilité du trait de côte, et on va avoir une progradation du littoral. Ainsi, le Fiumicino, c'est pour ça que la ville de Fiumicino va être construite bien avant l'Ido di Ostia. On a effectivement les bateaux qui, au XIXe siècle, passent principalement par ce chenal du Fiumicino. Cette fois-ci, reprenons, là on a une ampleur qui est une ampleur des 5 derniers siècles sur les mobilités possibles du littoral avec des contextes climatiques très différents, des occupations aussi du bassin versant qui sont mouvantes. Mais là, on va prendre beaucoup plus de distance et on va s'intéresser à Ostie, mais cette fois-ci par carottage. On n'a plus de données assez précises par la cartographie. Ainsi, on a réalisé des carottages dans Ostie, deux carottages. Vous prenez deux carottages. Vous avez la ville d'Ostie ici, qui est située enchâssée entre la lagune qui est à l'ouest, le littoral, la mer qui est à l'est, et traversée par un fleuve. Le carottage ISF1, je vous donne déjà de l'information, mais on va le voir plus en détail, se trouve dans la face fluviale, on se trouve à l'intérieur du chenal, avec des indices de mobilité latérale du fleuve. Et ensuite, le carottage TB1, on est toujours dans l'embouchure, mais dans l'embouchure face maritime, face littorale, avec des dynamiques qui sont très différentes. Alors voyons tout d'abord le carottage SF1. On a un carottage qui se divise en trois grandes parties, la partie A, la partie B et la partie C, avec en A, des sédiments très bien triés, qui font penser, avec des carottages, très peu, qui sont quasi stériles, mais on a quand même quelques coquillages marins. On aurait une plage sous-marine, elle a été datée entre première partie du premier millénaire avant Jésus-Christ. On a ici un delta qui avance, mais le trait de côte n'est pas encore arrivé au point ISF1. Ensuite, on a un gap temporel. Et on a des sédiments qui sont des sédiments plutôt grossiers. Et aussi, la particularité, c'est que on a énormément de strates différentes. Ici, on est dans un milieu extrêmement dynamique. On est dans le fleuve d'embouchure. Et on a des datations qui sont entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ici, on a le fleuve d'embouchure. On a le fond, la charge de fond et le comblement de ce chenal. Ensuite, la partie supérieure, on a des sédiments qui sont beaucoup plus argileux. On a des mélanges de sable et d'argile. Et on a des dépôts de levée de berge qui marquent la fin des dynamiques d'embouchure. Alors si on fait de l'interdisciplinarité et on compare ça au texte ancien, on a beaucoup d'informations sur l'embouchure du Tibre, parce qu'effectivement, on voulait naviguer sur ce Tibre. Dès la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, on a un bateau, l'idole de la Grande Mer, est bloqué sur la barge d'embouchure du Tibre. Et ensuite, surtout au 1er millénaire avant Jésus-Christ, on a des informations sur une embouchure qui est une large embouchure. On a des mauvais mouillages. César fit peut-être nettoyer les fonds de cette embouchure. On a aussi la période de Strabon, des informations sur un ensablement de cette embouchure. Ainsi, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui se passe sur cette embouchure du Tibre au 1er siècle avant Jésus-Christ, entre le 4e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ. On a soit un déplacement du fleuve du nord vers le sud, qui se déplace vers Ostie. ou alors on a une rétractation du fleuve, c'est pour ça qu'on a cette datation là, on a une rétractation du fleuve et qui était un fleuve très large qui est le fleuve qui est décrit dans les textes et ensuite qui trouve un chenal beaucoup plus rectiligne. Première carotte, deuxième carotte, celle-ci se trouve sur la face littorale. On a toujours dans la partie inférieure la plage sous-marine avant que l'embouchure vienne. Apparaissent et le trait de côte apparaissent en TB près du carottage TB1. Et ensuite, on a toujours des sédiments bien triés, mais avec des injections de sédiments grossiers, qui sont des injections de sédiments fluviaux, d'un fort hydrodynamisme. Et des moments aussi très calmes, on voit des passées de limo-argile. Et cette progradation, cette avancée du littoral, cette avancée de l'embouchure est datée de à peu près de la même période. À la période où on a cette mobilité latérale, on a aussi cette mobilité latérale du fleuve, on a cette mobilité du littoral, avec entre le 4e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ, une progradation. C'est la première fois qu'on prouve par un carottage qu'il y a une progradation à cette période-là. On a des informations sur la progradation à Ostie au 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Antiquité, mais ici on voit qu'il y avait déjà une mobilité à la période antique, républicaine. Ensuite, on a des dépôts dunaires et des dépôts de crues qui viennent recouvrir l'ensemble de cette séquence stratigraphique. Si on reprend les textes anciens, on a effectivement, à la période de Strabon, peut-être à comparer, et ça c'est une discussion qu'on peut avoir ensemble, des bateaux qui sont déchargés au large d'Ostie. Mais on a un littoral d'Ostie qui est un littoral très mouvant aussi. Le fleuve est très mouvant, le littoral est très mouvant. Comment ce littoral était géré à la période antique, c'est une question. S'il y avait des constructions qui étaient construites sur ce littoral, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a une discussion interdisciplinaire qui peut être créée. Mobilité littorale, mobilité fluviale entre le 5e siècle avant et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, si on s'intéresse à la navigation, ici on peut regarder le carottage ISF1. On a un carottage qui est à 6,70 m de profondeur. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la profondeur du Tibre maximum, ça ne veut pas dire que le fond du Tibre varie énormément, mais sa profondeur maximum, à un moment donné, est à 6,70 m. Et ce qui est intéressant, c'est que les carottages réalisés dans le port d'Ostie, le port fluvial, sont à 6 mètres de profondeur. Ainsi, on aurait une continuité de profondeur. La question, c'est pourquoi on a creusé un port à 6 mètres de profondeur, peut-être pour s'ajuster, il y a beaucoup, c'est une hypothèse, il y a énormément de variabilité, on reste dans notre embouchure, mais en tout cas, on a quand même ces profondeurs qui sont similaires et qui nous intéressent. Ici, on a les problèmes d'Ostie, mobilité de l'embouchure et les problèmes de navigation dans cette embouchure. Ensuite, à la milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, on a la construction de Portus et la création de nouvelles embouchures. On a des canaux qui sont construits au nord d'Ostie, le canal nord, au sud d'Ostie, la fossa Traiana, un canal aussi Portus Ostia, qui a été découvert par le professeur Simon Key, qui se jette ici beaucoup plus au sud. Mais le projet de Portus, c'est avant tout déconnecter le système fluvial du système portuaire. À Ostie, on a les deux en même temps. On se situe sur le fleuve et on a une connexion du système fluvial et du système portuaire. À Portus, on sépare les deux. Le canal Romano, qui est situé ici, était probablement un canal, port-canal, qui servait à décharger les marchandises du maritime, et ensuite transposer sur des bateaux fluviaux qui pouvaient ensuite aller jusqu'à Rome. Ce qui nous intéresse, ce sont cette navigation. On n'a pas de carottage à l'embouchure de ces canaux, mais à quoi on va s'intéresser ici, c'est la navigation fluviale dans ce système juste derrière les embouchures. Ici, vous avez une cartographie avec les résultats des profondeurs des canaux que l'on a autour de Portus. C'est-à-dire qu'on a des canaux entre 3,50 m de profondeur pour le canal Portus Ostie jusqu'à 7 mètres de profondeur ici dans le canal Romano. Si on regarde en détail la stratigraphie du canal Romano, qu'est-ce qu'on a? On a à la base toujours ces sédiments très bien triés, des sédiments de plages sous-marines ici. Et ensuite, on a des dépôts fluviaux, une charge très grossière, c'est la charge de fond du Tibre, qui est la phase d'activité du canal. Et ensuite, en vert, on a une sédimentation très fine, on a le canal qui est bloqué à l'amont, on a la déconnexion avec le Tibre, on a plus une continuité de la charge de fond entre le Tibre et les canaux, et à ce moment-là, il n'y a plus d'accès, on peut peut-être naviguer, mais on n'a plus d'accès à l'intérieur du canal. Si on replace des bateaux qui ont été retrouvés, je m'intéresse ici seulement à la géométrie de ces bateaux, c'est-à-dire à leur tirant d'eau, à leur largeur, etc., on remarque que ce sont plutôt les petits bateaux type Kodikaria, du type de Fiumicino 1, qui a été analysé par Julia Boeto en 2006, qui datent du 4e, 5e siècle, qui peuvent utiliser ce type de canaux. Du coup, des bateaux qui sont des bateaux plutôt de type fluviaux. Ici, c'est le canal traverso, qui est un canal, c'est le seul canal qui connecte le système des canaux fluviaux et le système de Portus. C'est un tout petit canal qui fait 25 mètres de large, en comparaison au Fiumicino qui fait 50 mètres de large. Ici, on a des petits bateaux qui peuvent toujours utiliser aussi ce canal, avec une sédimentation qui fait qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, on a une impossibilité pour la plupart des bateaux de naviguer dans ce canal. On a ainsi une activité, un dragage de ce canal, qui est un canal plutôt... qui n'a pas de charge de fond, qui est un canal plutôt de type portuaire, entre guillemets, avec une sédimentation très fine. Et on a un canal qui est aménagé, peut-être dragué, on a des informations textuelles qui nous informent sur ça, et qui est maintenu jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Maintenant, si on réfléchit au système de navigation dans ces canaux, ce qu'on peut prendre en considération, c'est effectivement la profondeur des canaux, quel type de bateaux peuvent utiliser ces canaux. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est non pas le tirant d'eau, mais aussi le tirant d'air. On a des informations ou des hypothèses, par exemple pour René Traverso, le professeur Otello Testaguzza indiquait la possibilité d'avoir deux ponts qui traversaient le canal Traverso. De plus, dans les prospections réalisées par le professeur Simon Key sur l'Isola Sacra, on a sûrement un petit pont aussi qui a été construit, on ne sait pas à quelle période, mais à un moment donné qui a pu être construit et qui a pu gêner la navigation. Enfin, on a des preuves certaines là pour le Ponte di Matidia qui se trouve sur le Fiumicino, 50 mètres de large, mais on sait que la navigation était possible toutefois sur ce Fiumicino. On a autant de Procope, on nous dit les bateaux naviguent sur le Fiumicino mais ne peuvent pas naviguer sur l'embouchure du Fiumara, sur la branche du Fiumara. Je vous propose ainsi un schéma, qui est un schéma de réflexion interdisciplinaire. Je vais présenter ce qu'on peut faire avec les carottages, mais il y a qu'est-ce qu'on peut faire avec les données venues de l'archéologie navale, les données venues des archéologues spécialistes des ponts, de l'architecture des canaux, etc. Et se dire d'avoir une approche vraiment fonctionnelle en mettant le canal au centre, mais surtout le bateau. Le bateau avec son tirant d'air, son mât de halage, son tirant d'air qui varie en fonction de la charge du bateau, le tirant d'eau qui varie lui aussi en fonction de la charge du bateau, qui varie inversement à celui du tirant d'air. Ensuite, le pied de pilote à une période donnée, bien évidemment. Ensuite, des réflexions aussi sur les types de structures. Tout ça mis en relation avec le niveau d'eau qui peut être repéré peut-être par des encoches d'érosion du haut bâtillage, mais là on se situe vraiment proche du milieu marin. Et ainsi, le niveau marin correspond, en période d'étiage, correspond au niveau, le niveau du fleuve correspond au niveau marin, plus ou moins. Du coup, on a retrouvé le niveau marin à Portus, Jean-Philippe Guaran l'avait publié en 2009. Et ensuite, on a la question de la hauteur libre sous ouvrage. La question, c'est à quelle hauteur était, on sait qu'on pouvait naviguer sur le canal du Fiumicino, mais à quelle hauteur étaient ces arches? Et si on pouvait naviguer avec un mât de halage ou s'il fallait le démonter? Les questions aussi sur ces banquettes de halage qui n'ont jamais été retrouvées au bord du delta du Tibre, et même sur l'ensemble du linéaire du Tibre. Ainsi, énormément d'éléments qui sont renseignés, la profondeur, la hauteur libre sous ouvrage, autant d'éléments qui nous permettent de penser le canal et sa navigation dans une perspective interdisciplinaire. Ainsi, il faudrait travailler beaucoup plus en détail sur ces questions-là et essayer de créer un modèle de navigation à une période donnée. Effectivement, je dis bien que c'est un modèle complètement théorique, qui est un modèle plutôt pour réfléchir. Et effectivement, il est évolutif. À quel moment a été construit le pont de Matidia? La sédimentation évolue elle aussi. On a peut-être eu des banquettes de halage à un moment donné et pas à d'autres, etc. Ainsi, il faut voir ça dans du diachronique, ce schéma. Ainsi, voici des perspectives de recherche pour continuer à étudier ces embouchures et ces canaux dans le delta du Tibre. Grazie di questa relazione che ha toccato molti aspetti interessanti, mostrando anche sia i dati tecnici del carotaggio che i dati relativi a questo complesso sistema di navigazioni che nell'antichità in realtà interessavano il delta. Quindi sono dati che contribuiscono a vedere come nell'antichità c'era una vivace circolazione delle navi, imbarcazioni di vario tipo nel delta. con una prospettiva che ci auguriamo possa riprendere per il futuro. Io darei adesso spazio a qualche domanda che immagino ci sarà per questo intervento. Comincio io a far domande. Bella relazione, bravo Ferrero. Una curiosità, i canali sono fondi 6 metri, i porti sono fondi 6 metri, ma la barra di Fuce, quanto era sotto il livello del mare? Perché vedendo la barra di Fuce attuale è meno di 2 metri e va continuamente dragata. Allora mi domando, la situazione era diversa allora? Ci credo poco. La dragavano? Cioè si hanno testimonianze di operazioni di dragaggio della barra? Grazie. Sì, è un problema interessante perché la barra è effettivamente qualcosa di molto mobile e anche che è difficile di vedere tra carotaggi, perché è una forma, ma identificare una specificità dei sedimenti di barra è difficile. E anche se abbiamo il carotaggi ISF1, a un momento, se la fosse era più a ovest, c'era una barra qui, ma con il spostamento della fosse verso est e la mobilità laterale del fiume e tutti i sedimenti, l'energia del fiume, questa barra sommersa ha sparito e abbiamo adesso solo sedimenti che sono sedimenti fluviali. Abbiamo dati sulla navigabilità dietro la barra sommersa, dunque nel sistema Ostia-Rome. Nella continuità sappiamo che è possibile più facile di navigare qui, ma la difficoltà è che vorremmo sapere di più effettivamente la barra sommersa. Je vais vous donner la parole tout de suite. Je me permets de rebondir sur cette question parce qu'effectivement c'était la question que je voulais poser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent aussi à l'existence de cette barre qu'on a du mal qui bouge, parce que par exemple quand Tite-Live nous raconte l'échouage du bateau qui apporte la grande mer, voilà, c'est peut-être dû à la barre. Et c'était la question que je voulais poser aussi sur un canal qui est très intéressant, c'est le canal du Nord, c'est-à-dire celui qui passe au nord du port. Oui. Parce que ce canal-là, il pose question. Ou bien il peut être utilisé par des bateaux qui repartent, c'est de la redistribution, parce que ces ports étaient peut-être des ports de redistribution aussi, on le sait, étaient des ports de redistribution. Ou bien ça peut être aussi, moi je pense toujours à Civitavecchia, c'est-à-dire des navires qui viendraient de Civitavecchia et qui passeraient par là. Tu m'as l'air moins convaincu, Simon, on en parlera. Mais de toute manière, là aussi, moi, la question que je voulais poser, c'était comment se fait le débouché dans la mer, voilà, parce qu'on a bien vu hier avec le Guadalquivir que c'est vraiment le problème des navires, c'est la barre. Mi fa pensare a questa cosa. Abbiamo questo passaggio a nord, è una pubblicazione recente di Jean-Philippe Guaran, mostra l'importanza di questa dinamica del canale nord, du canal nord, sull'idrodinamismo du port. Et que ça y avait un effet de chasse. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est l'hydrodynamisme qui se crée ici et qui pourrait, si on a un canal nord qui débouche ici, on a ces courants qui pourraient aussi nettoyer finalement, de manière naturelle, une embouchure du canal nord. Non, intéressant, et anche ho pensato forse un po' queste problématiques della funzionalità di questo canale, forse può essere, come dici, no, il punto di ingresso dei barchi in aree di Civitavecchia. Il problema però è che in certo senso questo canale, e la struttura del canale è differente, non tanto in profondità e ampiezza, però forse più nella propria struttura. Non ci sono argini, per esempio, come c'è per esempio nel canale romano, o anche forse la parte superiore del canale Porte Ostia al sud di Fiumicino. Dunque è anche una visita al sito alcuni anni fa dimostra. Le materiali che ho potuto vedere indicano una cronologia molto stretta e forse la mia intuizione è che questo canale era utilizzato nel processo di creazione del porto e anche forse per motivi fluviali e che dopo questo forse è andato fuori di uso. Questo è solamente una intuizione. È una cosa che si deve studiare un po' più. Sì, Simon. Sì, forse aggiungo una cosa. Sarebbe da capire con il geomorfologi se la posizione di questo terzo canale possa essere collegata a un diverso deflusso delle sabbie, per cui il rischio di insabbiamento fosse minore in certe posizioni. Capita molto spesso che quando si costruiscono piccole barre, nelle zone di nelle avandune, eccetera, si ha un cambiamento molto significativo nelle zone circondarie. Vedendo un po' la morfologia anche del porto, non escluderei che in quella posizione ci potesse essere, sempre per barche piccole però, un ingresso facile. È un quesito, professor Bellotti o altri ingegneri che si occupano di navigazione fluviale? È sicuramente un problema da risolvere. Quel canale è strano, a mio avviso è piccolo, è un canale molto stretto. Forse serviva a portare via le sabbie dal fiume. Se il corso del fiume era quello allora che è adesso, in quella posizione, quel canale per portare via le sabbie, sarebbe stato più logico farlo un po' più a nord, sull'Anza. Non capisco perché farlo lì per portare via le sabbie. Forse aveva un'altra finalità. E poi bisogna vedere si è riempito di cosa, quando. Adesso non si vede, cioè lo si vede in foto aerea, però se uno ci mi pare che non ci sono carotaggi su quel canale. Sì, abbiamo fatto carotaggi con il professor Bellocchini. E non si capisce dei carotaggi abbastanza. Non abbiamo ancora tutti i dati. Non sono completati perché non abbiamo ancora tutti i dati, però è un problema aperto quello. È un sistema di canali davvero davvero originale. Adesso un'altra cosa, così proprio uno guarda le figure e gli vengono in mente cose strane. La fossa Traiana tra il canale romano e il canale Porto Osti. Ma che ci fa quell'incrocio a 90 gradi tra i canali? Veramente mi sorprende. Non lo so, magari ha un suo scopo, io non lo capisco, ma è strano, no? Un canale che va verso il mare, un altro canale che scende così e subito un incrocio a 90 gradi. E anche la forma del canale Porto Ostia ha un punto di connessione. La connessione con Fiumara Grande, sì. Questo è molto ampio, è quasi come una piccola laguna di 90 gradi. È molto ampio. E dopo questo se va più ristretto. È una funzionalità, come dice, è una cosa strana. Però c'è. No, ma io non nego che ci sia, per carità, e vorrei capire qual era la dinamica che avevano in mente quelli che lo hanno fatto. Donc, pour la même zone, je me demandais si le canal de Fiumicino est resté ouvert vers la mer pendant toute la période, disons entre le 6e et le 7e siècle par exemple. Est-ce qu'il a été ensablé, fermé et réouvert plus tard? Oui, il semblerait que ce canal-là, ça c'est les textes qui nous renseignent là-dessus, ce canal-là est encore en fonctionnement, et en fonctionnement dans le Haut Moyen-Âge. On a une mention, je crois, au 11e, 12e siècle, c'est encore qu'il est navigable. Après, il semblerait qu'on perd un peu sa trace, et on ne sait pas trop s'il est navigable. En tout cas, on est sûr, au 15e siècle, il est de nouveau navigable, que les bateaux empruntent ce canal. Il fonctionne, il est navigable, jusqu'à où? En tout cas, ils le maintiennent, on le retrouve. Ici, au 15e siècle, s'ils ont à le refaire, ils ont quand même une longue distance à couvrir, à refaire. En tout cas, il est en fonctionnement. Oui, dans la période médiévale, on perd un peu des données. Sono notizie storiche che dicono che il porto di Traiano, ma il porto di Porto sta funzionando all'VIII secolo e anche se non sbaglio alle 12° secolo. Sì. Dunque, come il porto di Claudio sicuramente è insabbiato, il canale di Fiumicino è l'unico modo di accedere al mare e perciò deve essere aperto. Farei forse entrare in una discussione Simona Panucci, perché a un momento anche il fiume è morto è un luogo anche di passamento importante per i navi. A un momento sembra chiuso alla periodo di Procopius, ma sembra che dopo, forse nella periodo medioevale, sembra funzionare di nuovo come navigazione. Sì, infatti quello che posso dire io poi per i periodi più tardi è che sicuramente bisogna riconsiderare in queste epoche anche tutto il percorso ostiense all'interno delle del problema della percorribilità del Tevere e del collegamento col mare, perché sicuramente il collegamento con lo stagno, la laguna, la grande laguna di Ostia, diventa un passaggio importante che in qualche modo ristruttura i collegamenti tra Tevere, mare. Il Medioevo è sicuramente, il Medioevo e il Primo Rinascimento, un'epoca in cui la situazione ha un po' delle fluttuazioni. Sicuramente il XV secolo, per quanto riguarda l'area portuense, diventa un momento di cesura, sembrerebbe quello il momento in cui proprio i collegamenti con il mare si interrompono, quello il momento proprio di limite. Comunque è molto interessante i discorsi che ha fatto Ferreol, anche per il ponte, così che io pensavo, Angelo, no, al ponte dell'Ostiense, no? E questi discorsi sarebbe molto belli riportarli anche per Ostia, perché veramente, no, per la parte più sud del Tevere, veramente molto molto interessante. Ultimo intervento, o continuiamo, abbiamo ancora un po'? Beh, anzitutto complimenti per la relazione e per le ricerche che avete effettuato in questi anni, insomma, ad Ostia. Penso di aver avuto, insomma, di riconoscermi il merito, l'onore, il compito di aver avviato dopo il 2006-2007 in queste ricerche che effettivamente hanno ampliato, insomma, in maniera notevole la nostra conoscenza sulla geomorfologia della zona del Tizia ostiense. Comunque, poi, entrando invece nel particolare, volevo soltanto aggiungere, ecco, volevo soltanto aggiungere che non lontano dal punto in cui avete fatto quel carotaggio TB1, se leggo bene, sì, un po' più verso Torboacciana, alcuni saggi di scavo che ho effettuato nel 2011 hanno fatto ritrovare un molo di dimensioni veramente notevoli, sicuramente più grandi, più spesso di quello del posto di Claudio, e con dei fori di assorbimento per l'acqua che erano quasi il doppio di quelli del posto di Claudio, il che dimostra indirettamente, se ce ne fosse bisogno, insomma, della difficoltà di navigazione, vuol dire, in queste acque che erano particolarmente, particolarmente agitate e mosse. D'altra parte, proprio da questa zona proviene anche l'iscrizione degli urinatores, cioè coloro che si occupavano di recuperare le merci che erano affondate, insomma, nelle navi. E comunque in quel punto abbiamo proprio con precisione, siamo nel periodo Giulio-Claudio, proprio verso la metà del primo secolo d.C., grosso modo, il punto della costa. Poi con l'Arnoldo, Sant'Arnoldo, si fece dei saggi vicino l'ex Breda, l'attuale Cineland, e anche lì trovammo, insomma, l'antica linea di costa. Quindi abbiamo forse tutti gli elementi per ricostruire, insomma, insieme alle ricerche che voi avete effettuato, insomma, questa linea, questa leggerissima curva, insomma, che la costa faceva fino all'imboccatura del Tevere. Anzi, è un'occasione per me per pubblicare, insomma, appunto questi risultati. Ho sempre detto che il fatto di dover pubblicare le proprie ricerche è più un dovere verso la scienza che un diritto per noi, per farci, insomma, un titolo di studio. E quindi, anzi, un'occasione appunto per confrontare le nostre ricerche, insomma, e vedere se insieme riusciamo a ricostruire, mettendo insieme tutti i nostri dati, la linea di costa ostiense. Sì, grazie mille. Vorrei veramente ringraziare la soprintendenza per aprire le porte, specificamente Angelo Pellegrino e Simona Panucci, per avere la possibilità di lavorare su Ostia e di capire in un'interdisciplinarità questa area che è molto complessa, a mettere dati effettivamente di archeologia, molli che sono alla foce e con i carotaggi e così per tutti i carotaggi che sono fanni nell'area. Allora, grazie anche di questo chiarimento. Un'ultima questione si può porre ancora? Je voulais juste souligner tout l'intérêt du schéma théorique que tu présentes sur donc l'exploitation, la navigation dans ces canaux, en montrant justement qu'on a beaucoup de données finalement sur le creusement, mais que se pose aussi la question du tirant d'air et justement les problématiques de bas, de passage des ponts, difficile à résoudre puisqu'on n'a pas forcément l'élévation des ponts. Et je voulais profiter de la présence d'archéologues navals Et j'en discutais avec Sabrina, mais je pense que c'est peut-être intéressant que tout le monde entende un petit peu comment on peut gérer ces problématiques de mains, en particulier avec l'exemple d'Arles où ils ont un mât de halage. C'est ce que je disais hier, on n'a pas de source écrite pour l'Antiquité qui nous décrit, on va dire, ces manœuvres ou ces manipulations. L'intérêt, effectivement, sur Arles Ronde 3, c'est qu'on a le seul mât de halage découvert, on va dire, pour toute l'Antiquité, qui est un mât court, qui fait 3,70 m. Et ensuite, donc, ce que je disais à Corinne, et là, du coup, je renvoyais peut-être sur Jacques Rossio, c'est que pour les époques modernes, pour le Rhône, en tout cas, on a des descriptions de manœuvres pour des remontées donc du courant ou halage, donc là, avec des chevaux, et pour le passage de pont, où il va falloir, on va dire, enlever l'attelage, faire une manœuvre pour réussir à faire passer le bateau et le récupérer après. Sauf que ce que je disais aussi à Corinne, c'est que là, on est dans le cas d'un fleuve avec un fort courant. Si ici, vous êtes sur des, on va dire, chenaux aménagés, c'est pas les mêmes problèmes, on va dire, de courantologie. Mmh. Je pense que ce sera moins complexe de passer, sachant que le mât de halage, donc par rapport à la question de la hauteur, le mât de halage, s'il pose des problèmes pour passer, c'est pas très compliqué de le démonter et de l'enlever. Et on voit aussi sur l'iconographie, je crois, des fois alors c'est pas des mâts, mais c'est des, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas des mâts, mais c'est des, comme des espèces de bits d'amarrage qui vont permettre aussi de tracter le bateau sur, voilà, de façon très courte. Je vais vous passer la parole peut-être pour compléter, hein. Merci beaucoup. quelle est la question? La question est la remonte sur un canal ou sur un fleuve qui présente des obstacles et des manœuvres à effectuer. Alors, les manœuvres, elles sont plus ou moins difficiles. Ça dépend évidemment de l'importance du convoi, hein, ou de l'importance du navire. Bon, les mâts de halage, qu'on appelle sur le Rhône les arboliers, ce sont des mâts qui peuvent avoir 12 mètres de haut, hein, 12 mètres. Et qui sont très fortement aubanés, très très fortement aubanés. Si bien qu'on peut les confondre sur des figurations avec de véritables mâts, des antennes, quoi. Bien. Alors, si l'obstacle est important, on désarbore. Hein, on désarbore. Voilà. Si l'obstacle est celui d'une traille, par exemple, hein, c'est-à-dire d'un portus de traversée à l'aide d'un câble et d'un câblon. Hein, le navire étant dirigé par la force du courant. Bon, à ce moment-là, des préposés baissent ou lèvent la traille de façon à permettre la remontée du navire en question. Voilà ce que l'on peut dire. Hein. Alors, pour ce qui concerne les convois, le désassemblage, en quelque sorte, il faut vraiment un obstacle de taille qui est d'une autre nature et qui est celui, par exemple, d'un affluent important, je pense à la Durance, hein, ou alors d'un enrochement. À ce moment-là, on désassemble le convoi et on fait passer un navire après l'autre. Ce qui était le cas, d'ailleurs, à Avignon, hein, le premier pont de pierre. Passage à Avignon, ou le passage au Pont-Saint-Esprit, était une manœuvre très difficile, aussi bien à la descente qu'à la remontée, mais à la remontée, il fallait disloquer le convoi et passer, et à la limite, tuer à partir du pont. Et c'est ce qui se faisait à Lyon, moi je ne veux pas accaparer la parole, hein, moi je suis prévu cet après-midi, à la fin de l'extrême fin de la journée. Mais à Lyon, par exemple, sur la Saône, le passage du pont de pierre était difficile, et puis les rives étaient habitées, c'est-à-dire que les maisons avaient les pieds dans l'eau. Et il existait un métier spécialisé que les Lyonnais traditionnalistes appellent les modères, bon, qui sont des portefaix spécialisés dans le tirage des navires de la queue d'Aisnes, c'est-à-dire de l'aval de la ville, jusqu'au bourg Saint-Vincent. Rossio è terminé, madame. Allora, grazie. Fa sempre piacere quando si vede la platea che si anima nei dibattiti, perché vuol dire che la cosa è sentita.